Chapitre 6e. Le mariage de Valère, annoncé par les journaux mondains, 2 jours après que la famille Breton eut quitté le château, fut célébré simplement, tristement, le jeudi 23 septembre, à la date convenue. Julie n'y assista pas. Sa mère l'excusa, prétextant une fièvre sérieuse qui ne laissait pas de l'inquiéter beaucoup. La marquise de Soutis, pendant les 2 cérémonies à la mairie et à l'église du Crétois, se renferma dans une attitude calme, où ceux qui ne la connaissaient pas n'auraient pu deviner l'immensité du chagrin que souffrait son cœur maternel, ni la blessure profonde faite à son orgueil d'aristocrate. Monsieur de Soutis, complètement changé, avait très maigri, les moustaches et les cheveux presque blancs semblaient un vieillard. 2 rides profondes, se perdant derrière le contour de ses narines délicates, creusaient ses joues. Madame Breton, habillée en perruche, la face épanouie comme une pivoine, son corps puissant renversé en arrière, semblait avoir oublié son ressentiment. Seuls Valère et Marguerite montraient un visage véritablement heureux. Leur bonheur, en somme, n'était-il pas seul en cause? Madame Breton, qui devait reprendre avec les nouveaux mariés le train de 4 heures, assista calme et tranquille au déjeuner intime qui suivit la cérémonie et où était invité comme étranger seul le vieux curé Bertillon. Maurice et Lucien étaient attristés de l'absence de celle qu'ils appelaient leur belle-sœur par alliance. Malgré ce que leur avait dit leur mère qui, à plusieurs reprises, s'était efforcée de leur prouver l'inanité de ces liens de parenté. Valère et Marguerite se rendaient à Paris pour prendre le chemin du château de la Roche-Cesson, où le comte et la comtesse, trop vieux pour assister au mariage, attendaient leur petite fille. Le repas touchait à sa fin lorsque Madame Breton, cynique, prit la parole. « Eh bien, dit-elle, maintenant à l'autre. C'est dans 3 semaines que ma Julie, mon ange, se marie avec Monsieur Charles Villot. Ah, je suis sur les dents. Mais aussitôt après ma tâche ici-bas sera accomplie, et le bon Dieu pourra me rappeler à lui. Je serai sans inquiétude maintenant que mes chers enfants sont casés. Si vous voulez me faire l'amitié, monsieur le marquis, et vous, madame la marquise, d'assister au mariage de ma fille, vous me ferez honneur et plaisir. » Madame de Soutis s'excusa pour elle et pour son mari. « Je vous remercie sincèrement, madame, mais nous ne pouvons pas quitter le château en ce moment. La santé du marquis s'est tout à coup fort ébranlée, sans qu'il soit possible d'attribuer une cause au mal qui le fait souffrir. Je suis à présent réduite au rôle de garde-malade. Monsieur de Soutis suit un régime qui exige une continuelle attention et une grande ponctualité. Vous savez qu'il n'est jamais entré dans ses habitudes de s'occuper de sa personne, et cependant, il faut qu'il se rétablisse au plus tôt, car les vacances parlementaires vont cesser. Le médecin fonde les plus grandes espérances dans cette diversion, qui doit amener une guérison complète. « Mais quelle est donc la maladie de Monsieur de Soutis ?» dit Madame Breton, témoignant un réel intérêt. « Le docteur appelait cela, je crois, répondit tout bas l'abbé Bertillon, une anémie cérébrale, mais il n'y a aucun danger. » L'heure du départ approchait. Le break, chargé du volumineux bagage des jeunes mariés, s'avança devant le perron. Marguerite embrassa longuement sa mère, puis son père. Valère baisa la main de la marquise, serra celle de Monsieur de Soutis et celle du curé du Crétois que sa jeune femme prit à son tour. Maurice et Lucien accompagnaient leur sœur jusqu'à la gare de Saint-Lambert. Madame Breton monta la dernière dans la voiture où l'avait accompagné le marquis, pendant que Madame de Soutis, debout dans le vestibule, se raidissait dans un effort suprême pour ne point pleurer. Au moment d'atteindre le marchepied, la mère de Valère se retourna et dit d'un air bon enfant à Monsieur de Soutis « Remettez-vous, on revient de plus loin. Dans 6 semaines, je vous dirai bonjour de ma fenêtre, rue des Bourdonnais. » Le châtelain se pencha vers l'oreille de l'impitoyable femme et lui murmura « Rue des Bourdonnais peut-être, mais je suis frappé au cœur, et je le sens, j'en mourrai. » Le valet de pied hissa la corpulence de Madame Breton dans le break, ferma la portière, rejoignit le cocher à côté de son siège. Le marquis et la marquise restèrent debout sur le seuil du château, écoutant s'éloigner le bruit sonore des grelots. Quand ils n'entendirent plus rien, et qu'ils se virent seuls, ils rentrèrent au salon, s'assirent et tous les deux se mirent à pleurer. Madame de Soutis ne s'était point méprise sur les causes de la maladie dont souffrait son mari. Elle n'allait point cependant jusqu'à l'accuser d'avoir trahi la foi conjugale, mais elle savait maintenant, par ses ravages, la passion qui le minait et connaissait celle qui en était l'objet. Ainsi, en moins d'une année, elle avait vu s'évanouir son bonheur. Ce fut d'abord la politique qui s'empara du marquis, le transforma, en fit sa chose et rompit le cours de la longue et facile existence à laquelle elle s'était habituée. Puis, comme si ce premier coup ne suffisait pas, sa fille, sa chère Marguerite, celle qu'elle croyait avoir formée à son image, lui échappait, contractant un mariage qui blessait son orgueil. Elle y avait été contrainte, mais peut-être, à la longue, s'en serait-elle consolée en voyant son enfant heureuse. Une dernière douleur lui était réservée. On venait de lui voler le cœur du plus loyal et du plus chevaleresque des hommes. Un amour sénile, faisant son œuvre de destruction, réduisait celui qu'elle ne cessait d'aimer depuis tant d'années au triste état où il était. Guérirait-il seulement? Courageuse et fière, elle avait dévoré ses larmes, ne laissant rien paraître. Mais le départ de sa fille lui portait un coup trop fort pour n'être point vaincue, et alors des larmes, longtemps retenues, jaillirent malgré son courage, malgré son énergique volonté. Lui, trop faible pour réagir, s'abandonna au chagrin immense qui suivit le départ de l'ange qu'on lui avait enlevé. Il lui fut impossible de se ressaisir. Il lui semblait qu'on lui avait arraché l'âme et aujourd'hui, hanté par la vision disparue, il se trouvait seul, bien seul. Le souvenir cruel et déchirant de Julie était encore, dans le désarroi de son être, l'unique occupation de son esprit et augmentait la névrose qui le rongeait comme une proie. La retrouverait-il jamais, cette chère et tendre enfant, cause de tant de maux? Aurait-il la force de vivre jusqu'au jour béni où il pourrait la revoir, ne fût-ce qu'un instant, pour exhaler son dernier soupir en un baiser de mortel adieu? De son côté, la pauvre, n'était-elle pas la plus malheureuse des femmes, victime, comme lui, des conventions de ce monde, obligée de se donner en holocauste à un être qu'elle n'aimait pas? À cette pensée, le rêveur reparaissait. Absorbé par sa passion farouche, il s'en prenait aux choses et aux gens, qu'il englobait également dans une haine devenue féroce par son impuissance. Ah, elle était jolie, la société telle que la convention humaine l'avait faite. Ne se composait-elle pas que de bourreaux et de victimes? L'amour devenait un paria. Cette belle et divine manifestation de l'âme, celle dont on devrait être fier, la seule digne de se montrer au grand jour comme un exemple donné aux autres, il fallait la cacher ou en mourir, comme une chose honteuse, hors nature. Alors, chevauchant son utopie, il s'armait en guerre pour combattre le genre humain et le ramener, après l'avoir convaincu, aux éternelles vérités qu'il dégagerait de ses lâches compromis, de ses lois barbares et de ses turpitudes. Il n'y avait plus ni femme ni enfant, le monde était à refaire tout entier. Que lui importait Alix de la Roche-Cesson, ses fils, sa fille et Valère? Toutes ses affections d'autrefois devenaient des ruines, au sommet desquelles se dressait comme un ange victorieux la douce et lointaine apparition de Julie, nimbée d'or. Cette existence, en perpétuel tête-à-tête avec sa femme, qu'il rendait responsable des calamités abattues sur lui, lui devenait odieuse. Cependant, les vacances prirent fin, les enfants rentrèrent à la rue des Postes, et après un suprême effort dans lequel le soutenait l'espoir de revoir peut-être de loin Mademoiselle Breton, devenue Madame Viaud, il se décida à rentrer à Versailles. Une nouvelle douleur était réservée à la marquise. Monsieur de Soutis, qui décidément ne pouvait plus tolérer sa présence auprès de lui, exigea qu'elle allât rejoindre, pour quelque temps, son père et sa mère à la Roche-Cesson. Il se sentait mieux, plus fort. Les occupations de la chambre finiraient la guérison. Sa femme obéit. Elle partit. Julie était revenue à Versailles après la terrible constatation faite par sa mère. Pendant le voyage effectué en compagnie de Valère, Madame Breton avait repris son visage ordinaire. Lorsqu'elle fut seule avec sa fille, qui s'attendait aux reproches les plus sanglants, aux récriminations les plus justifiées, elle se montra au contraire ce qu'elle était autrefois, bavarde et gaie, comme si rien ne s'était passé. Elle garda le plus profond silence sur la liaison du marquis et de son enfant. Elle n'y fit allusion qu'une fois, lorsqu'elle lui annonça la visite qu'elle devait faire chez le père de M. Charles Viaud. « Tu vas te reposer pendant 2 jours, ma mignonne, pour reprendre tes bonnes couleurs d'autrefois et dégonfler ces beaux yeux rougis par les larmes. L'aventure dont tu viens d'être victime est peut-être la conséquence des conseils que je t'avais donnés pour enlever d'assaut le mariage de ton frère conseils malheureusement interprétés et qui ont failli tout compromettre. J'aurais dû me méfier de la générosité de ton cœur qui t'a laissé sans défense contre la passion violente de celui à qui je t'avais confié. C'est un malheur réparable, puisque les intéressés ne peuvent que gagner à conserver le secret. Si Valère a sauvé la vie de Marguerite, Charles te sauvera ton honneur d'une situation difficile en te prenant pour femme. Sois raisonnable et docile, comme tu l'as toujours été. Chasse de ton esprit, comme un mauvais rêve, l'accident des tilleuls. Redeviens la fille aimable et séduisante que tu étais. Ton mariage est fait et ton bonheur assuré. Ton fiancé est un homme sérieux, grave même. Ta gentillesse et ta réserve, qui l'ont séduit déjà, auront une influence nécessaire sur un cerveau souvent absorbé par les affaires. Julie réfléchit beaucoup pendant ces 2 jours. Elle envisagea nettement la situation qu'elle s'était faite, s'en rendit un compte bien exact, et finalement pensa qu'elle s'était donnée au marquis beaucoup plus par un sentiment de généreuse pitié que poussée par un amour invincible. Déjà, à 2 reprises, là-bas, au tilleul, elle s'était demandé où la conduirait la voie dans laquelle elle venait de s'engager si à la légère. Décidément, il valait mieux suivre les avis sages d'une mère rompue aux choses de ce monde que de compromettre à jamais son existence en devenant la honte des siens. Le marquis de Soutis trouverait dans le temps, ce grand guérisseur, un soulagement à une douleur qu'elle savait réelle. Ne faisait-elle pas, elle aussi, violence à son cœur en s'arrêtant au parti que lui conseillait sa mère? Après tout, ce qu'avait risqué M. de Soutis dans cette liaison éphémère, pouvait-il entrer en ligne de compte avec l'abandon qu'elle avait fait d'elle-même? Son séducteur était arrivé à l'époque où l'on redescend le chemin de la vie. Elle était jeune et vierge, à un âge où l'avenir ouvre toute grande la porte aux espoirs permis. Dans cette union de leurs 2 êtres, n'avait-elle pas apporté la plus grosse, la meilleure et la plus inestimable des parts? Non. Non, elle ne pouvait en être victime. Sa vie commençait, elle devait oublier ce début malheureux. Le papa Villot, comme on l'appelait, possédait à quelques lieues de Versailles, tout près d'une de ses nombreuses exploitations agricoles, une grande et confortable maison. C'est là que Julie et sa mère vinrent passer 2 jours. L'accueil qu'elles reçurent, pour ne ressembler en rien à celui des tilleuls, n'en fut pas moins cordial. M. Villot-père était cependant un parvenu, mais il n'en laissait rien paraître. Malgré ses 65 ans, il se levait dès l'aube, montait à cheval ou dans un cabriolet, suivant le temps, et allait donner le coup d'œil du maître à ses nombreuses et riches propriétés. Pas encombrant, on ne le voyait qu'à l'heure des repas, où il montrait toujours une humeur égale. « La maison, disait-il, n'est point l'usine. Ici, je me repose. » Aussi se couchait-il immédiatement après son dîner, qu'il appelait encore, comme au temps de ses jeunes années, le souper. Il était tout rond, plein de verve et de gaieté, à la bonne franquette. Son fils, solidement taillé, ne conservait de son origine paysanne qu'une rare carrure d'épaule et une puissance musculaire vraiment étonnante. L'éducation en avait fait un homme à l'esprit droit, grave, d'une instruction solide, mais éminemment pratique. Il aimait à faire le bien, à condition qu'on ne l'en remerciât point. Fidèle à ses amitiés, il avait des principes immuables dont il ne se départait jamais. L'étude des sciences exactes l'attirait particulièrement. Il en avait pris de bonne heure les goûts dans les usines de son père. Ses connaissances en chimie et son numéro le désignèrent aux sorties de l'école à l'administration des tabacs. Il n'en continuait pas moins de s'intéresser, d'une façon générale, aux exploitations paternelles, qu'il était appelé à diriger un jour. Julie lui parut plus charmante, plus séduisante que jamais. Il ressentit, en la voyant, la même impression qu'il avait reçue lors de leur première rencontre. Resté seul avec elle, il ne lui cacha pas l'affection déjà ancienne qu'il attachait à sa chère personne, et brutalement, sans précaution oratoire, il lui dit « Mademoiselle, mon père et madame, votre mère, sont désireux de nous marier. J'ai pour vous une grande estime et surtout une loyale et sincère affection. Voulez-vous de moi pour mari ?» Elle eut une seconde hésitation que Charles Villot attribua à une timidité bien naturelle et répondit simplement en lui tendant la main « Je serai votre femme. »« Je vous préviens, » ajouta-t-il en riant, « pour ne pas vous tromper sur la valeur de votre époux, que je ne sais pas déguiser ma pensée. » Vous venez de vous en apercevoir du reste. Ma vie jusqu'à ce jour a été régulière et toute de travail. Il faudra donc être indulgente et ne pas m'en vouloir si vous me voyez quelquefois absorbé. Ne vous méprenez jamais sur mon compte. Vous avez, et vous aurez toujours, la grande place dans mon cœur. Dans notre maison, votre royaume, vous serez maîtresse absolue. Je tiens, aussi bien pour votre satisfaction propre que par goût, à n'avoir à me mêler d'aucun détail. Je ne me charge que d'une chose, c'est d'équilibrer votre budget. Je veux aussi, pour établir une parité plus réelle entre nous, vous constituez par contrat une somme qui, si je venais à mourir sans que vous m'ayez donné d'enfant, vous mettrez à même de ne point modifier le train que nous mènerons. » Mademoiselle Breton accepta ces paroles avec un étonnement pénible. Elle ne laissa pourtant point paraître. Cette façon rude d'entrer en matière et de traiter leur union comme une sorte de marché la blessa. De prime abord, elle ne sut discerner l'homme de cœur, loyal, tout d'une pièce, de l'homme positif, exact comme un chiffre, celui que l'éducation avait fait de Charles Viot. Sa simplicité ressemblait véritablement trop à de la brutalité. Avait-on jamais parlé langage pour faire sa cour à une fiancée? Et subitement elle compara ses façons d'être à celles auxquelles le marquis l'avait habituée. Monsieur de Soutis le parut avec son langage de poète, son mépris de toute préoccupation terre à terre, et une pointe de regret la piqua au cœur. Mais il fallait être raisonnable, ainsi que disait sa mère, et réparer sa faute. Elle n'avait pas le droit de se montrer si difficile sur la qualité du sauveur. Ne devait-elle pas, au contraire, remercier la Providence de l'avoir mis tel qu'il était sur sa route? En somme, le sacrifice était consommé. Ce n'était pas un mariage qu'elle faisait, mais une expiation qu'elle était obligée de subir. En effet, que donnait-elle en échange de cette affection sincère dans une enveloppe un peu rugueuse, un cœur qui avait déjà aimé et un corps défloré? Elle répondit à son singulier fiancé. « Pourquoi, de gaieté de cœur, vous calomniez ainsi? Me connaissez-vous aussi mal que vous me croyez capable de ne vous juger que sur les apparences? Toutes ces choses, un peu trop positives, étaient inutiles à dire. J'estime que mon mari doit avoir une occupation, et si je suis sûr de son amour pour moi, je serais bien mal avisé d'en être jalouse. » Après 8 jours passés chez les Viot, Julie et sa mère retournèrent à Versailles. Le mariage de sa fille était fixé au 14 octobre. Madame Breton, en matière d'union, comme en toute autre chose, menait rondement les affaires. Pour le mariage de son fils, sa hâte s'expliquait par la crainte où elle était que le marquis et la marquise de Soutis ne reprissent leur consentement. Elle n'avait point voulu leur en laisser le temps. Pour celui de Julie, un autre mobile la guidait. Avec des amoureux de la trempe du marquis, on ne pouvait jamais se tenir que sur un pied, pensa-t-elle, et dormir d'un seul œil. Il fallait s'attendre à tout de la part d'essorvelée de sa trempe. Et puis, pour tout dire, elle se sentait pressée de prendre sa revanche de la maigre cérémonie du Crétois à laquelle elle devait assister dans 2 jours. À ce propos, elle dit à sa fille « Tout marche comme sur des roulettes à présent. Grâce à toi, je peux m'en aller au Tilleul pour assister au mariage de ton frère. Tu comprends bien pourquoi je ne t'emmène pas. D'ailleurs, je quitterai Paris le matin de la cérémonie et je serai de retour ici à 11 heures du soir. » Julie ne fit aucune objection et sa mère mit à exécution ce qu'elle lui avait annoncé. À son retour, Charles Viot commença ses visites quotidiennes rue des Bourdonnais. Il fit des présents superbes et eut assez d'empire sur lui-même pour adoucir la rudesse de ses manières. Il devint moins brusque, parla moins de sa volonté, se montra plus empressé, plus amoureux, meilleur prince, enfin. Mademoiselle Breton constata avec plaisir ce changement et devint, de son côté, plus libre et plus tendre. La mère profita des bonnes dispositions où se trouvait son futur gendre pour organiser avec lui une cérémonie imposante à la cathédrale Saint-Louis, cérémonie dont les bons Versaillais conserveraient longtemps le souvenir. Elle avait carte blanche, sûre à l'avance que tout ce qu'elle ferait serait approuvé. Sans plus tarder, elle se mit en campagne. Sa nature d'intrigante trouvait encore une fois l'occasion de s'exercer. Elle se remua si bien qu'elle obtint de l'évêque de Versailles de donner la bénédiction nuptiale aux nouveaux époux. Les voitures vinrent de Paris, à l'exception toutefois de celle qu'avait achetée pour sa femme Charles Viot. On décida que pendant la messe en musique, dite au maître-autel par le curé de la paroisse, assisté des vicaires, en présence des chanoines du chapitre, des artistes en renom apporteraient le concours de leurs talents pour compléter cette fastueuse cérémonie. Une somme de 5 000 francs était destinée aux pauvres. Sur ces entrefaites, Balaire et sa femme arrivèrent à Versailles pour prendre part à cette solennité. Les deux jeunes gens revenaient enchantés de leur voyage de noces à La Roche-Cesson, où les vieux châtelains leur avaient fait le meilleur accueil. Le jour de la cérémonie se leva enfin. Sur tout le parcours de la rue des Bourdonnais à la cathédrale, les petites gens et les boutiquiers se tinrent aux fenêtres ou sur le seuil de leurs portes. Des invitations avaient été lancées aux personnes de marque de la ville. Le conseil général, dont faisait partie M. Viaupert, envoya une délégation. Les religieuses, aux soins desquelles étaient confiées les petites orphelines, prirent place dans l'église ainsi que les petites filles assistées par les différentes œuvres dont Mme Breton était dame patronesse. Le maître-autel, surchargé de lumière, resplendissait, émergeant d'une véritable forêt de palmiers et de plantes vertes. La double rangée des lustres était allumée, de même que les lampadaires appliqués aux colonnes des bas-côtés. Un tapis courait de la porte centrale au chœur. L'évêque, en grande pompe sacerdotale, crossé et mitré, avait pris place sur son siège épiscopal. L'église fut littéralement envahie, et c'est entre les deux haies tassées et profondes que le cortège précédé des deux Suisses en culotte courte fit son entrée. Malgré la sévérité du lieu, de petits cris d'admiration mal contenus s'échappèrent des bouches féminines lorsque Julie parut au bras de son frère. C'est qu'elle était vraiment charmante dans son costume virginal. Un long voile de magnifiques points d'Angleterre couvrait toute sa personne de sa blancheur laiteuse. Sa robe de satin broché, faite à souhait par un grand faiseur, mettait en relief les grâces de sa taille fine et souple et se terminait en une longue et majestueuse traîne aux plis lourds et cassés. La tête légèrement inclinée, les yeux longs sciés, baissés sur des joues où l'émotion mettait une coloration de rose du Bengale, elle s'avançait lentement, toute simple, dans l'attitude de la Vierge lors de sa présentation au temple. Dans ce cortège nuptial, où les rutilants atours de Madame Breton jetaient leurs couleurs voyantes, figurait un vieux couple, tout branlant, tout naïf, que ses splendeurs confusionnaient. C'étaient deux paysans endimanchés, le bonhomme avec sa blouse et la femme en bonnet rond, proche parent du grand-père de Charles Viaud. Ce fut pour Madame Breton une douloureuse surprise lorsqu'elle vit M. Viaupert placer ces deux vieilles personnes sur les fauteuils dorés recouverts de velours nacara réservés aux membres de la famille. Décidément, se disait-elle, il est dit que cette odeur de purin me poursuivra jusqu'au mariage de mes deux enfants. La cérémonie donna ce qu'elle avait promis. Les indiscrétions et les récits pompeux dont elle fut l'occasion 8 jours avant qu'elle n'eût lieu furent justifiés. À la sacristie, le défilé des invités ne dura pas moins 1 heure et demie. « Êtes-vous heureuse, chère madame ?»« Combien nous prenons part à votre joie, chère madame ?»« Votre fille est adorable. »« Quel homme superbe que votre gendre !»« Tiens, mais voilà votre belle-fille. »« Et monsieur Valère ?»« Le mariage lui va bien. » Et les serments de main, et les embrassades, et les compliments se succédaient sans interruption. Les jaloux et les mécontents exhalaient leur bile en propos amers. On entendait, sur les marches de la cathédrale, des gens arrêtés par petits groupes qui arrangeaient Madame Breton de la belle façon. Une intrigante, après tout. Elle n'avait ni sou ni maille. Sans son bonnet de fils, qui lui a donné, ainsi qu'à sa sœur, la grosse part d'un héritage imprévu, elle n'aurait que les yeux pour pleurer. Non. C'est vraiment à mourir de rire de l'avoir joué à la grande dame. Je me suis laissé dire par un tel, qu'il avait parfaitement connu dans sa jeunesse, qu'autrefois cette chère dévote avait eu des aventures à faire dresser les cheveux sur la tête d'un chauve. « Quand le diable est vieux, il se fait ermite, dit-on. En voilà la preuve. Il n'y a que ce monde-là pour avoir de la chance. Savez-vous que son ingénieur de fils sera millionnaire? Et cette petite poseuse de Julie? Il paraîtrait qu'elle sera plus riche encore. » Les Suisses, solennels, le jarret tendu, frappant les dalles de leur hallebarde dorée, se montrèrent dans l'immense encadrement de la porte. Les langues se turent. Mademoiselle Breton, maintenant Madame Charles Viaud, saluant à droite et à gauche la foule qui tenait à la voir passer 1 seconde fois, parut au bras de son mari. Elle était radieuse. La vie de luxe qui lui était réservée commençait déjà. Les appariteurs de l'église écartèrent les curieux échelonnés sur les marches, et les deux époux montèrent dans le coupé merveilleusement tenu, dont les deux chevaux de noir d'ébène encensaient de la tête dans un bruit de gourmette, pendant que le cocher, impassible, le mollet moulé dans ses bras de soie, la boutonnière ornée d'un bouquet de fleurs d'oranger, enrubannée de blanc, attendait l'arrivée de ses maîtres. Le valet de pied, chapeau bas, tenait par la poignée la portière ouverte. Dès que Julie et son mari se furent installés sur les coussins de satin vert de la voiture fleurie, l'homme monta sur le siège et les chevaux, secouant les bouquets blancs de leur cocarde, partirent, le pied haut, dans la direction de la rue des Bourdonnais. Les voitures du cortège s'avancèrent un à un, s'emplirent également et suivirent le coupé. Le soir même, la remuante Madame Breton partait pour Rambouillet avec son fils et sa belle-fille. Valère l'avait priée de donner un coup d'œil à son installation. Le jeune ingénieur, de retour de la Roche-Cesson, avait fait ses visites de noces à ses chefs et aux autorités du département. Il allait habiter maintenant la résidence pour laquelle, grâce à la puissante intervention du marquis, il avait été désigné. En priant sa mère de venir avec eux et de leur prêter son concours précieux dans les choses du ménage, il avait obéi en même temps à un sentiment de curiosité bien naturel et que Marguerite, sa femme, partageait avec lui. Ils se demandaient tous les deux quel changement subit était survenu au tilleul. Le départ précipité de Julie pouvait s'expliquer encore, mais son silence, jusqu'au jour de son mariage à elle, les impressionnait péniblement. Et puis, quelle était donc cette maladie bizarre, cette morne torpeur, ce chagrin profond dont souffrait leur père? Valère, après avoir longtemps cherché, pendant son séjour à la Roche-Cesson, s'était arrêté à cette supposition que le marquis de Soutis subissait le contre-coup de grosses pertes d'argent. « Mais où et comment ?»« Il me semble, répondait Marguerite, d'après des lambeaux de conversation entre mon père et ma mère, vous savez pourtant si je m'intéresse peu à ces questions, que la fortune de mes parents est en biens fonciers, ou bien en actions de la Banque de France et de Chemin de Fer. Mon père n'est pas joueur, et s'il avait engagé quelque argent dans une entreprise, tout le monde l'aurait su à la maison. » Il faut donc chercher ailleurs la cause de ses tristesses et de son dépérissement. Mais Valère continuait son raisonnement. Je m'explique encore moins le départ de votre mère, et enfin, l'absence de Julie à notre mariage. Pour moi, sa maladie n'a été qu'un prétexte. Madame Breton survint à point. En chantonnant, elle entra dans le salon d'un air affairé, se dirigea vers la cheminée pour y ranger symétriquement une statuette de marbre d'après Clodion, et essuyait avec un linge fin les branches dorées de deux candélabres anciens, supportés l'un par un faune, l'autre par une nymphe, au corps de bronze florentin. « Je ne vous dérange pas, mes enfants, » dit-elle en continuant son inspection. « Non, ma mère, » fit Marguerite, « maintenant moins que jamais. Nous avons besoin de vous demander l'explication d'un mystère, dont Valère et moi voudrions bien avoir la clé. Mon pauvre père est malade, très malade. » Depuis le jour où vous avez quitté les tilleuls avec vos enfants, son mal, que j'ai vu commencer, n'a fait qu'empirer, nous mettant tous dans la plus grande inquiétude. Il est demeuré sourd à nos questions. Sa tristesse, les idées sombres auxquelles il semblait en proie, n'ont fait qu'augmenter de jour en jour. Il a conservé le même air lors de mon mariage. Nous lui avons écrit de Paris et de la Roche-Cesson. Il a répondu d'une façon évasive à nos lettres, nous annonçant seulement l'arrivée de maman. Ma mère est venue chez mes grands-parents. La veille de notre départ, elle a répondu à nos questions, que mon père, se sentant un peu mieux, n'avait plus besoin de ses soins et allait reprendre ses travaux parlementaires. Mais vous, qui n'avez sans doute pas les mêmes raisons de garder le silence, savez-vous quelque chose ? Je vais vous répondre franchement, mes bons amis, vous prévenant à l'avance que ce que je vous dirai n'est que le résultat de mes conjectures personnelles. Votre mariage, vous le savez bien, c'est fait contre le gré de la marquise, qui avait au sujet de votre établissement, ma chère Marguerite, des idées fort arrêtées. Monsieur de Soutis a dû imposer sa volonté. En présence de la peine que sa femme en ressentit, il a lui-même éprouvé un chagrin, surtout s'il a songé, comme je le suppose, que sa vie calme et heureuse était dorénavant brisée. Monsieur de Soutis est un rêveur et un enthousiaste, chez lequel les impressions sont toujours très vives, très exagéré même. Mais, en raison de cette exagération, repartit Marguerite, les impressions ne sont pas durables. Que de fois je l'ai vu s'éprendre d'une idée, ne vivre que pour elle, et l'abandonner ensuite aussi vite qu'elle lui était venue. Il y a autre chose encore qui ne m'a pas échappé. C'est non seulement la coïncidence de son changement d'état avec notre départ, mais encore la façon singulière dont on évitait mes questions chaque fois que je demandais des nouvelles de Julie, et le jour, surtout, où j'interrogeais ma mère pour savoir d'elle si ma tendre amie m'assisterait pendant la cérémonie de mon mariage. Ma mère me répondit assez durement « Julie est en ce moment fort occupée du sien et tu le vois, son nom seul semble irriter ton père. » Il y a une raison, oui, il y en a une, pour que celle que je considère encore comme ma meilleure amie, qui était ma confidente, ne m'ait pas une seule fois écrit. Le jour où elle s'est mariée avec M. Charles Villot, c'est bien récent, vous le voyez. Elle s'est montrée tendre comme par le passé, mais elle a évité, elle aussi, de donner une explication de son étrange conduite envers moi. Tout cela n'est pas clair, en effet, mes bons amis, répondit Madame Breton. Si je savais quelque chose de plus précis, je vous le dirais. Voilà ce que nous pouvons supposer. Votre père est un exagéré, au cœur jeune et généreux, toujours prêt à s'emballer. Il aime les esprits cultivés, délicats, et les intelligences ouvertes. À ce point de vue, ma Julie devait le satisfaire, mais, voilà le diable, la petite est aussi jolie, aussi avenante que possible. Est-ce qu'elle ne l'aurait pas troublée? Il s'était fait à sa présence, il n'ignorait pas qu'elle allait se marier, puisqu'il aurait été son témoin sans cette satanée maladie à laquelle nous ne comprenons rien. Pour moi, plus je cherche à me l'expliquer, moins je trouve. Tenez, mettons que j'ai dit des bêtises. Je donne ma langue au chat. Quand vous reverrez Julie, soit à la maison, soit chez vous, où elle ne peut manquer de venir, questionnez-la de nouveau. Madame Breton, ayant présidé à l'installation de la maison de Rambouillet, repartit pour Versailles. « Je suis le juif errant, fait femme, » dit-elle, en prenant congé du jeune couple. La première chose qui frappa ses regards, lorsqu'elle ouvrit les fenêtres de son appartement, fut de voir l'hôtel qu'habitaient les soutisses rendus à la vie. Elle se mit aux aguets, et ne tarda pas à apercevoir le marquis sortant de chez lui, un gros portefeuille bourré sous le bras. Il lui sembla moins triste. Sa taille s'était redressée. Elle l'appela. Monsieur de Soutis releva la tête, la salua, et comme elle insistait, il traversa la rue et monta chez elle. « Comme je suis heureuse, mon cher ami, de vous voir avec cette bonne mine. Puisque vous avez fait la paix avec votre cœur, oublions tout à fait, et donnez-moi la main. » Monsieur de Soutis tendit nonchalamment la sienne. « Maintenant que voilà le mal réparé, ajouta la dame, pourquoi ne reprendrions-nous pas nos bonnes relations d'autrefois? Ne sommes-nous pas unis par un lien qui nous est cher, par nos deux enfants? Voyez, c'est moi, une femme, qui reviens la première, malgré les graves sujets de mécontentement que vous m'avez donnés. Mais en agissant ainsi, je pense aussi à ma chère Julie. Un bon mariage a effacé le passé. Il est impossible pour son mari. Qui sait que la marquise et vous aviez fait de ma fille votre enfant gâté et l'ami intime de la vôtre? Que vous ne vous rencontriez pas un jour. Il serait en droit de me demander une explication, ce que n'ont pas manqué de faire Marguerite et Valère. Allez donc les voir dimanche à Rambouillet, votre visite les comblera de joie. J'irai, répondit M. de Soutis avec le ton d'un homme dorénavant résigné à tout. Pendant ce temps, je vais organiser chez le papa Villot une partie de chasse qui nous réunira tous, vous, moi et les quatre enfants. Monsieur Villot et son fils brûlent du désir de vous connaître et attendaient votre rétablissement avec impatience. Eh bien, voilà une occasion superbe et un terrain neutre pour se serrer les mains franchement et sans arrière-pensée. Mais j'oubliais, étourdi que je suis, de vous demander des nouvelles de la marquise. Comment va-t-elle? Beaucoup mieux. Cependant, elle restera quelque temps encore à La Roche-Cesson. D'après ses lettres, je vois qu'elle s'est faite à la situation nouvelle de notre fille. Mes beaux-parents, plus indulgents qu'elle, sont pour beaucoup dans ce revirement. Le charmant accueil qu'ils ont fait à Valère et à sa femme a endormi ses regrets. Je vous quitte. Je suis déjà en retard pour la séance. C'est un somptueux appartement que celui de M. et Mme Charles Villot, situé au premier étage d'une maison de l'avenue des Champs-Élysées. Ceux qui l'habitent ont su y réunir les productions de bon goût et de confort de l'art moderne. Deux grands salons, un boudoir, une salle à manger, une salle de billard, cinq chambres à coucher, dont une ayant vue sur l'avenue et occupée par l'ingénieur et sa femme. L'immeuble est leur propriété. Papa Villot l'a donné comme présent de noces. Dans les écuries, 6 chevaux. Dans les remises, 4 voitures. Julie, au bout de quelques jours de mariage, était citée parmi les élégantes de Paris. le luxe de ses équipages, ses toilettes, lui avait conquis, du premier coup, droit de cité dans la ville où les gens sont cotés selon leur train. Il n'avait point fait de voyage de lune de miel, les occupations de Charles, à la manufacture des tabacs, les en avaient empêchés. Il était de plus, cet autoritaire, trop l'esclave de ses devoirs pour s'absenter au moment où il croyait sa présence nécessaire. Ils avaient décidé de visiter l'Espagne l'hiver suivant. Madame Breton et, de son côté, M. Viot étaient venus les voir deux fois. À sa dernière visite, Madame Breton s'était longuement étendue sur les qualités de M. de Soutis. « Je finirai par croire, avait dit son gendre, que votre ami le marquis, si parfait en tout point, n'est qu'un mythe. Julie ne m'en parle qu'en termes élogieux. Quant à mon beau-frère, il ne tarit point d'éloges et Dieu sait s'il va l'air à la langue silencieuse, mais on le voit peu. » « On n'en dira jamais assez de bien, reprit Madame Breton. Quand vous le verrez, en chair et en os, vous serez de l'avis de tout le monde. Seulement il vient de passer par une maladie grave, que les médecins appellent les uns anémie cérébrale, les autres névrose, et qui ne nous a pas laissés sans inquiétude. Selon moi, il paye un travail exagéré. À la Chambre, il est membre de toutes les commissions, secrétaire de son groupe, sans compter toutes les affaires politiques auxquelles il est mêlé. Réunions extra-parlementaires à Versailles, réunions d'intérêt local dans son département, et puis les beaux-arts et la musique et la peinture et la littérature et la poésie, que sais-je. Tout, enfin. Il y a longtemps qu'une cervelle moins solide que la sienne y aurait succombé. « Mais va-t-il mieux ?» demanda Julie avec intérêt. « Je l'ai vu hier à Versailles. Il m'a fait une visite, le temps de poser seulement. Je lui ai trouvé meilleure mine et l'air ragaillardi. Il avait reçu des nouvelles de la marquise, qui est pour quelques semaines encore chez ses parents, le comte et la comtesse de La Roche-Cesson. » Et la mère de Julie se complaisait à citer tous ces noms en particules, comme s'ils appartenaient aux gens de sa famille. Elle ajouta « Votre père, monsieur mon gendre, va nous réunir tous, vous, Julie, Marguerite, Valère et moi, dans son hospitalière maison. Là, vous ferez connaissance avec le marquis et vous verrez si nous sommes au-dessous de la vérité. » Julie ne parut nullement émue de la pensée de se retrouver en face de monsieur de Soutis. D'ailleurs, depuis la fameuse aventure des tilleuls, elle avait singulièrement changé d'allure. Ses façons d'être câlines, ses gentillesses, sa gaieté mutine, avaient fait place à une tenue plus réservée et plus sérieuse. Son mariage avec M. Charles Viot n'était point pour lui rendre les mutineries passées. Plus d'élan, plus de joie, ni de ces accès de fou rire qu'elle ne pouvait arrêter. Sa physionomie s'en ressentit, elle devint grave, sans rien perdre de son charme. Elle caressait l'espoir, pendant le temps où son mari lui faisait la cour, qu'une fois devenue sa femme, elle pourrait modifier ce caractère entier dont elle avait peur. Mais elle s'était trompée. Deux jours après leur union, Charles Viot reprit avec ses habitudes journalières le caractère rude qu'elle lui connaissait. La veille même de la seconde visite de sa mère, il s'était retiré dans son cabinet une demi-heure après le dîner. Il avait travaillé jusqu'à 1 heure du matin. Harassé de fatigue, il se coucha sans précaution et réveilla sa femme. Celle-ci se plaignit doucement d'être interrompue dans son sommeil. Mais lui, préoccupé comme toujours, ne l'entendit pas et s'endormit sans lui faire une excuse. Elle voyait bien maintenant le genre d'existence qui lui serait imposé à en juger par le début. Elle en prit son parti. C'est dans ces nouvelles dispositions qu'elle arriva chez son beau-père, avec son mari, le jour arrêté pour la réunion familiale. Le père Viot les accueillit avec sa gaieté paysanne. « Et... mais le mariage ne vous fait pas dépérir, ma bru, ni toi non plus, mon fils. Vous avez raison, les enfants. Faut s'aimer et en profiter quand on est jeune. Cependant, je te donne un conseil, Charles. Tu n'as pas pris de vacances. Ménage-toi, tu travailles trop. N'est-ce pas, Julie, que vous ne vous en plaindrez pas ? Ajouta-t-il en soulignant sa plaisanterie d'un gros rire sonore. Se sentant soutenue, la jeune femme s'enhardit. C'est aussi mon avis, mon père. « Figurez-vous qu'après avoir passé toute sa journée à la manufacture, Charles, l'autre soir, s'est enfermé dans son cabinet pour travailler jusqu'à 1h30 du matin. Je n'ai pas osé le lui dire, mais c'est trop. »« Tu aurais dû conserver cette précieuse réserve, » répondit Charles, fronçant légèrement le sourcil. « N'oublie pas nos conventions. Les choses de la maison sont de ton domaine, celles du travail ne regardent que moi. » Au même moment, la porte du hall s'ouvrit et Marguerite, accourant les bras ouverts, se jeta au cou de son ami. Il était temps. Julie, froissée du ton un peu sec de son mari et se départant de la tenue qu'elle s'était imposée, allait lui répondre. « Te voilà donc enfin, affreuse ingrate que j'aime toujours. » Et Marguerite couvrait Julie de ses baisers. Balère serra la main de M. Villot et de son fils, et une conversation entre les trois hommes s'engageait déjà lorsque parurent en même temps Mme Breton et le marquis de Soutis qui lui donnaient le bras. « Ah, mon père! Ah, maman !» s'exclamèrent les deux jeunes femmes en allant d'un pas précipité, légère comme deux oiseaux en liberté, à l'avance des nouveaux arrivants. Marguerite embrassa chaleureusement son père. Son premier mot fut pour lui faire compliment de sa mine. Elle le prit par la main et le présenta à M. Villopère et au mari de Julie. M. de Soutis, pâli beaucoup plus par l'émotion que par la maladie, se montra affable et l'impression première qu'il produisit sur Charles fut excellente. « Nous n'avons pas les mêmes opinions politiques, » lui dit tout crûment le papa Viau. « Je suis, moi, un impérialiste à tout craint. Vous, monsieur le marquis, un républicain centre-gauche. C'est égal, j'espère que nous ferons bon ménage. » Le marquis avait à peine entrevu Julie, mais elle, depuis un instant, l'épiait du regard. Elle était aussi devenue très pâle. Le changement survenu dans la physionomie de celui qu'il avait tant aimé la peinait profondément. Elle s'accusa intérieurement d'être la cause de l'état où elle le voyait. C'est que, malgré le mieux apparent, il était loin de ressembler à ce qu'elle l'avait connu quelques mois auparavant. Il était donc vrai que la douleur pouvait causer de ces ravages rapides. Prise de remords et de pitié, elle quitta sa mère, dont elle n'écoutait plus le bavardage, pour aller droit à M. de Soutis. « Que c'est aimable, » lui dit-elle en s'efforçant de sourire, « de vous joindre à nous. Vous êtes toujours l'esclave de votre cœur. » Et craignant de se laisser deviner par son mari, elle s'empressa d'ajouter « Marguerite n'est-elle pas d'ailleurs la meilleure des filles ?»« Et vous, madame ?» fit le marquis, plongeant son regard triste dans les yeux de Madame Villot. « N'êtes-vous pas la meilleure des femmes ?» Madame Breton seule comprenait. Elle devina l'effort surhumain de Julie pour se contenir et elle intervint. « Vous pourriez dire aussi, comme elle l'a dit pour Marguerite, mon cher marquis, la meilleure des filles. » Puis elle se tourna vers le vieux Monsieur Villot. « Et ici je parle pour nous deux, mon compère, la plus charmante des brus. » La situation était sauvée. La journée passa vite. Julie, bien à contre-cœur, évita de se trouver seule avec Monsieur de Soutis. Elle se défiait de son énergie et elle craignait de faire voir à son mari le trouble invincible qu'elle ressentait. Monsieur de Soutis comprit cette réserve. Elle lui alla au cœur. De son côté, il affecta de rechercher la compagnie de son gendre et des deux messieurs Villot. Laissant ensemble sa fille et son amie, que Madame Breton avait abandonnée sous prétexte que la marche la suffoquait et qu'elle n'était pas assez alerte pour monter en voiture et en descendre. Elle resta donc volontairement seule dans le hall, partageant ses loisirs entre la lecture des faits divers des journaux étalés sur une table et une promenade à la basse-cour. Les deux nouvelles mariées, se tenant par la taille, avaient pris une allée de charme couverte. Elles marchaient ainsi, enlacées, doucement, silencieuses d'abord, n'entendant que le bruit des feuilles mortes dont le sol était jonché et qu'écrasaient leurs pas. Julie se décida à parler. « Maintenant que nous sommes seuls en tête-à-tête, Marguerite, dis-moi exactement ce qu'a eu ton père et comment est survenu le mal qui l'a tant changé. » C'est encore une chose incompréhensible pour nous tous, ma chère Julie. Ton frère et moi avons longtemps cherché, car je dois te le dire, nous sommes convaincus que les médecins n'y ont rien vu absolument. Découragés de ne rien découvrir, nous nous sommes adressés à ta bonne mère. Elle n'était pas plus instruite que nous. Elle a cependant fait cette supposition bien improbable que, sans le vouloir, tu serais la cause indirecte de cette singulière maladie. Ah, elle a supposé cela. Mais ni Valère ni moi ne l'avons cru. Voici d'ailleurs comment le mal s'est manifesté. Aussitôt que vous avez quitté tous les trois les tilleuls, mon père est tombé dans un état de prostration complète. Nous ne le voyions qu'à l'heure des repas, sombre, silencieux, refusant toute nourriture. Au bout de deux jours, ma mère s'est inquiétée et a fait venir le médecin de Saint-Lambert. Papa a répondu aux questions qu'il lui posait et le docteur est reparti sans se prononcer. L'état a empiré, le sommeil a disparu complètement, les cheveux ont blanchi, puis, petit à petit, il a maigri, maigri. Ce n'était pas étonnant, il ne toucha aucun plat. Que s'était-il passé depuis mon mariage? Je l'ignore. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui il va beaucoup mieux. Je crois, ma bonne amie, que nous n'en saurons pas davantage. Mais dans quelles circonstances ta mère a-t-elle quitté le château? Comment se fait-il qu'elle l'ait laissé seul, le sachant malade et privé de soins? C'est lui, paraît-il, qui l'a exigé, en prétextant qu'il se trouvait beaucoup mieux. Et de fait, ce malaise général l'a disparu peu à peu. L'appétit est revenu. Maintenant, le voilà sur pied, quoique un peu faible, mais ayant repris ses occupations à la chambre. Selon moi, vois-tu, il lui faut surtout des distractions. Son esprit a besoin d'être occupé. Ses dossiers finiront par l'ennuyer, à mon avis. Aujourd'hui qu'il connaît ton mari, tu devrais l'avoir quelquefois chez toi. Il a pour toi, ma Julie, une grande affection, et ça lui ferait du bien. Tu crois ? Fit Madame Charles Viaud d'un air détaché, et la conversation tomba. Rentrée au salon, elles trouvèrent ces messieurs en grande conversation. Monsieur de Soutis discutait avec animation cette question de la supériorité des choses de l'art sur celle de la science. Si on la laissait faire, continua-t-il, elle envahirait tout, étouffant sous ses cylindres, broyant dans ses engrenages ce que l'homme a de meilleur, l'imagination. Vous voulez dire le rêve, monsieur le marquis, répondait de son verbe haut le jeune monsieur Viaud. Le rêve est le pire ennemi de l'espèce humaine. Connaissez-vous quelqu'un de plus malheureux qu'un utopiste? Un rêveur dans son genre. Le rêve, pour quelques jouissances cérébrales qu'il nous donne, pendant qu'il nous fait voyager dans l'improbable, quel réveil ne nous réserve-t-il pas? Mort le rêve, morte la félicité. Les Orientaux, ces rêveurs forcenés, ont eu recours à la science pour empêcher ces réveils cruels, où le cerveau s'effondre. Ils ont inventé l'opium. Vous faites une confusion dans ce moment-ci, monsieur Viaud. Vous prenez l'ivresse pour le rêve, une sensation pour un sentiment. Tout le monde peut s'enivrer, tout le monde n'a pas la force cérébrale suffisante pour rêver. Et vous disiez tout à l'heure, comme argument contre ma thèse, que la désillusion cruelle succédait immanquablement au rêve. C'est une erreur. De même que dans le sommeil, il y a certains songes qui reviennent, toujours les mêmes, à des époques indéterminées, variables. Il y a des rêves, ceux que j'appellerai éveillés, qui renaissent de leur évanouissement. Julie, attentive, écoutait, et combien mieux elle aimait les théories de M. de Soutis que celles de son mari. La comparaison ne lui était pas favorable. La conversation continua quelques instants encore, aride et sèche de la part de Charles Viaud, enthousiaste, enflammé, pleine de cœur du côté du marquis. Elle pensa que sa dernière phrase de tout à l'heure était pour elle. L'heure de la séparation sonna, et le mari de Julie, enchanté de Monsieur de Soutis, termina la discussion par ces mots. « Monsieur, ce matin mon père vous disait que malgré les différences d'opinion politique qui vous séparaient, vous feriez bon ménage. Ce soir, j'ajoute que malgré votre philosophie et la mienne, qui sont diamétralement opposées, je souhaite que nous nous voyions souvent. » J'avais depuis longtemps le désir de connaître celui à qui ma femme avouait une véritable affection filiale.